est mon femme, mon femme il est joli, il porte corps, il porte pantalon, tout la chose il porte. Mais seulement mon femme, il ne connaît pas préparer. Quand il faut qu'il marche, il fait tout ce qu'il a fait. Et pourquoi moi tout la chose j'ai frappé lui à la vie. Toi, Ma chérie, tu m'as rendu malade, maman. Hey, à qui m'est abandonné. À qui me confier? Qui peut me consoler? L'amour est aveugle, l'amour n'a pas de race. Reviens dans mes bras, la jolie rose de mon cœur. Chérie, tu m'as rendu malade, maman. À qui me confier? Oh, pipi, qui peut me consoler? Les yeux pleins de larmes, qui va me consoler? Ma vie remonte, tu m'as rendu malade, maman. À qui me confier? Chérie, Amina, sans pochala ou tantine va. bijoux. Bijouterai pas pour toi, Aminataé. Ce n'est rien, ce n'est rien. Elle prend les colliers, les seyas autour du cou. Chérie, bijoutier le dit, tu es belle, Aminataé. Elle sourit. Elle rend les bijoux en disant, c'est trop cher pour moi. Aminataé.